Chapitre 3. Ce qui se passait à Raguse. Tandis que ces faits s'accomplissaient à Antequerta, voici quels sont les derniers événements dont Raguse fut le théâtre. Madame Bathory n'était plus alors dans cette ville. Après la mort de son fils, Boric, aidé de quelques amis, avait pu l'entraîner loin de cette maison de la rue Marinella. Pendant les premiers jours, on avait craint que la raison de la malheureuse mère ne résistât pas à ce dernier coup. Et de fait, cette femme, si énergique qu'elle fût, donna quelques signes d'un trouble mental dont s'effrayèrent les médecins. C'est dans ces conditions, et par leur conseil, que Madame Bathory fut emmenée au petit village de Vinticello, chez un ami de sa famille. Là, les soins ne devaient pas lui manquer. Mais quelle consolation eût-on pu faire accepter à cette mère, à cette épouse, deux fois atteinte dans son amour pour son mari et pour son fils. Son vieux serviteur n'avait point voulu la quitter. Aussi, la maison de la rue Marinella, bien close, l'avait-il suivie pour rester l'humble et assidu confident de tant de douleurs. Quant à Savate Rontal, maudite par la mère de Pierre Bathory, entre eux, il ne fut jamais question d'elle. Ils ignoraient même que son mariage eût été remis à une époque plus éloignée. En effet, l'état dans lequel se trouvait la jeune fille l'obligea à prendre le lit. Elle avait reçu un coup aussi inattendu que terrible. Celui qu'elle aimait était mort, mort de désespoir sans doute. Et c'était son corps que l'on portait au cimetière au moment où elle quittait l'hôtel pour aller accomplir cette odieuse union. Pendant 10 jours, c'est-à-dire jusqu'au 16 juillet, Sava fut dans une situation très alarmante. Sa mère ne la quitta pas. C'était d'ailleurs les derniers soins que put lui donner Madame Torontal, car elle-même allait être frappée à son tour, mortellement. Pendant ces longues heures, quelles pensées s'échangèrent entre la mère et la fille? On le devine sans qu'il soit nécessaire d'y insister. Deux noms revenaient sans cesse au milieu des sanglots et des larmes. Le nom de Sarcani, pour le maudire, et celui de Pierre, qui n'était plus qu'un nom gravé sur une tombe, pour le pleurer. De ces conversations auxquelles Silas Torontal s'interdit de jamais prendre part, il évitait même de voir sa fille, il résulta que Madame Torontal fit une dernière démarche auprès de son mari. Elle voulait qu'il consentît à renoncer à ce mariage, dont l'idée seule était une épouvante, une horreur pour Sava. Le banquier demeura inébranlable dans sa résolution. Peut-être livré à lui-même, étranger à toute pression, se fut-il rendu aux observations qui lui étaient faites et qu'il devait se faire. Mais dominé par son complice plus encore qu'on ne le pourrait croire, il refusa d'entendre Madame Torontal. Le mariage de Sava et de Sarcani était décidé. Il se ferait dès que la santé de Sava le permettrait. Il était aisé d'imaginer quelle avait été l'irritation de Sarcani lorsque cet incident imprévu s'était produit. Avec quelle colère peu dissimulée, il vit ce trouble apporté dans son jeu et de quelles obsessions il assaillit Silas Torontal. Ce n'était qu'un retard, sans doute, mais ce retard, s'il se prolongeait, risquait de renverser tout le système sur lequel il échafaudait son avenir. D'autre part, il n'ignorait pas que Sava ne pouvait avoir pour lui qu'une répulsion insurmontable. Et cette répulsion, que fut-elle devenue si la jeune fille eût soupçonné que Pierre Bathory était tombé sous le poignard de l'homme qu'on lui imposait pour époux. Quant à lui, il ne pouvait que s'applaudir d'avoir eu cette occasion de faire disparaître son rival. Pas un remords, d'ailleurs, ne pénétra dans cette âme fermée à tout sentiment humain. « Il est heureux, dit-il un jour à Silas Torontal, que ce garçon ait eu la pensée de se tuer. Moins il en restera de cette race des Bathory, mieux cela vaudra pour nous. En vérité, le ciel nous protège. » Et en effet, que restait-il maintenant des trois familles Sandorf, Zatmar et Bathory? Une vieille femme dont les jours étaient comptés. Oui, Dieu semblait les protéger, ces misérables, et il aurait porté sa protection jusqu'aux dernières limites, le jour où Sarcani serait le mari de Savate Rontal, le maître de sa fortune. Cependant, il paraît que Dieu voulait l'éprouver par la patience, car le retard apporté à ce mariage paraissait devoir se prolonger. Lorsque la jeune fille se fut relevée, physiquement au moins, de cette effroyable secousse, lorsque Sarkany put croire qu'il allait être question de reprendre ses projets, Madame Torontal tomba malade à son tour. Chez cette malheureuse femme, les ressorts de la vie étaient usés. On ne s'en étonnera pas, après ce qu'avait été toute son existence depuis les événements de Trieste, lorsqu'elle avait appris à quel homme indigne elle était liée. Puis survinrent, sinon ses luttes, du moins ses démarches en faveur de Pierre, pour réparer en partie le mal fait à la famille Bathory, l'inutilité de ses prières devant l'influence de Sarkany, si inopinément revenu à Raguse. Dès les premiers jours, il fut constant que cette vie allait se briser définitivement. Quelques jours encore, c'était tout ce que les médecins pouvaient donner à Madame Torontal. Elle se mourait d'épuisement. Aucun traitement n'eût pu la sauver, quand même Pierre Bathory fut sorti de sa tombe pour devenir le mari de sa fille. Sava put lui rendre alors tous les soins qu'elle avait reçus d'elle, et ne quitta plus son chevet ni la nuit ni le jour. Ce que Sarkany dut éprouver devant ce nouveau retard, on le comprend. De là d'incessantes objurgations au banquier, qui n'était pas moins que lui réduit à l'impuissance. Le dénouement de cette situation ne pouvait se faire attendre. Vers le 29 juillet, c'est-à-dire quelques jours après, Madame Torontal parut avoir retrouvé un peu de ses forces. Ce fut une fièvre ardente qui les lui donna, mais dont la violence devait l'emporter dans les 48 heures. Dans cette fièvre, le délire la prit. Elle se mit à divaguer, laissant échapper des phrases incompréhensibles. Un mot, un nom qui revenait sans cesse, était bien fait pour surprendre Sava. C'était celui de Bathory, non pas le nom du jeune homme, mais le nom de sa mère que la malade appelait, suppliait, répétant comme si elle eût été assaillie de remords, « Pardonnez, madame, pardonnez !» Et lorsque Madame Torontal, dans un répit que lui laissaient les accès de fièvre, fut interrogée par la jeune fille, « Tais-toi, Sava, tais-toi, je n'ai rien dit !» s'écriait-elle, épouvantée. Vint la nuit du 30 au 31 juillet. Un instant, les médecins purent croire que la maladie de Madame Torontal, après avoir atteint sa période la plus aiguë, allait commencer à décroître. La journée avait été meilleure, sans troubles cérébraux, et il y avait lieu d'être surpris d'un changement si inattendu dans l'état de la malade. La nuit même promettait d'être aussi calme que l'avait été la journée. Mais s'il en était ainsi, c'est que Madame Torontal, au moment de mourir, venait de sentir renaître en elle une énergie dont on l'eût cru incapable. C'est qu'après s'être mise en règle avec Dieu, elle avait pris une résolution et n'attendait plus que l'occasion de l'exécuter. Cette nuit-là, elle exigea que la jeune fille allât se reposer quelques heures. Sava, malgré tout ce qu'elle put objecter, dut obéir à sa mère, tant elle l'avait décidée sur ce point. Vers 11 heures du soir, Sava rentra dans sa chambre. Madame Torontal resta seule dans la sienne. Tout dormait dans l'hôtel, où régnait ce silence qu'on a si justement nommé un silence de mort. Madame Torontal se releva alors, et cette malade, à laquelle on croyait que sa faiblesse interdisait le plus léger mouvement, eut la force, après s'être vêtue, d'aller s'asseoir devant un petit bureau. Là, elle prit une feuille de papier à lettres, et d'une main tremblante, écrivit quelques lignes seulement qui furent suivies de sa signature. Puis elle glissa cette lettre dans une enveloppe qui fut cachetée et sur laquelle elle mit cette adresse. « Madame Bathory, rue Marinella, Stradone, Raguse. » Madame Torontal, se raidissant alors contre la fatigue que ce travail lui avait causée, poussa la porte de sa chambre, descendit le grand escalier, traversa la cour de l'hôtel, ouvrit, non sans peine, la petite porte qui donnait sur la rue, et se trouva dans le Stradone. Le Stradone était sombre et désert à cette heure, car il devait être plus de minuit. Madame Torontal, se traînant d'un pas chancelant, remonta le trottoir de gauche pendant une cinquantaine de pas, s'arrêta devant une boîte postale, y jeta sa lettre et revint vers l'hôtel. Mais tout ce qu'elle avait retrouvé de force pour accomplir ce dernier acte de sa volonté était épuisé. Elle tomba sans mouvement sur le seuil de la porte cochère. Ce fut là qu'elle fut trouvée une heure après. Ce fut là que Silas Torontal et Sava vinrent la reconnaître. Et c'est de là qu'on la transporta dans sa chambre, sans qu'elle eût repris connaissance. Le lendemain, Silas Torontal apprit à Sarkany ce qui venait de se passer. Ni l'un ni l'autre n'aurait pu soupçonner que Madame Torontal fût allée pendant cette nuit mettre une lettre dans la boîte du Stradone. Mais pourquoi avait-elle quitté l'hôtel? Ils ne purent se l'expliquer, et ce fut pour eux un grave sujet d'inquiétude. La malade languit encore pendant 24 heures. Elle ne donnait signe de vie que par quelques soubresauts convulsifs, derniers efforts d'une âme qui allait s'échapper. Sava lui avait pris la main, comme pour la retenir dans ce monde où elle allait se trouver si abandonnée. Mais la bouche de sa mère était muette maintenant, et le nom de Bathory ne s'échappait plus de ses lèvres. Sans doute sa conscience tranquillisée, sa dernière volonté accomplie, Madame Torontal n'avait plus une prière à faire, ni un pardon à demander. La nuit suivante, vers 3 heures du matin, pendant que Sava se trouvait seule près d'elle, la mourante fit un mouvement et sa main vint toucher la main de sa fille. À ce contact, ses yeux fermés s'ouvrirent à demi. Puis son regard se dirigea sur Sava. Ce regard fut si interrogateur que Sava n'aurait pu s'y méprendre. « Mère, mère, » dit-elle, « que veux-tu ? » Madame Torontal fit un signe affirmatif. « Me parler ?» Oui, fit distinctement entendre Madame Torontal. Sava s'était courbée au chevet du lit, et un nouveau signe lui indiqua de s'approcher plus près encore. Sava posa sa tête près de la tête de sa mère, qui lui dit « Mon enfant, je vais mourir. »« Mère, mère !»« Plus bas, » murmura Madame Torontal, « plus bas, que personne ne puisse m'entendre. » Puis, après un nouvel effort, « Sava, » dit-elle, j'ai à te demander pardon du mal que je t'ai fait, du mal que je n'ai pas eu le courage d'empêcher. Toi, mère, toi m'avoir fait du mal, toi me demander pardon. Un dernier baiser, ça va. Oui, le dernier. Cela voudra dire que tu me pardonnes. La jeune fille vint doucement poser ses lèvres sur le front pâle de la mourante. Celle-ci eut la force de lui passer le bras autour du cou. Se relevant alors et la regardant avec une fixité effrayante, « Ça va, » dit-elle, « ça va. Tu n'es pas la fille de Silas Torontal. Tu n'es pas ma fille. Ton père... » Elle ne put achever. Une convulsion la rejeta hors des bras de Sava et son âme s'échappa avec ses dernières paroles. La jeune fille s'était penchée sur la morte. Elle voulait la ranimer, mais ce fut inutile. Alors elle appela. On accourut de tout l'hôtel. Silas Torontal arriva, un des premiers, dans la chambre de sa femme. En l'apercevant, Sava, prise d'un irrésistible mouvement de répulsion, recula devant cet homme qu'elle avait maintenant le droit de mépriser, de haïr, car il n'était pas son père. La mourante l'avait dit, et l'on ne meurt pas sur un mensonge. Puis Sava s'enfuit, épouvantée de ce que lui avait dit la malheureuse femme qu'il avait aimée comme sa fille, encore plus épouvantée peut-être de ce qu'elle n'avait pas eu le temps de lui dire. Le surlendemain, les funérailles de Madame Torontal se firent avec ostentation. Cette foule d'amis que compte tout homme riche entoura le banquier. Près de lui marchait Sarkany, affirmant ainsi par sa présence que rien n'était changé au projet qui devait le faire entrer dans la famille Torontal. C'était en effet son espoir, mais s'il devait jamais se réaliser, ce ne serait pas sans qu'il eût surmonté bien des obstacles encore. Sarkany pensait d'ailleurs que les circonstances ne pouvaient qu'être favorables à l'accomplissement de ses projets, puisqu'elle laissait plus complètement Sava à sa merci. Cependant, le retard provoqué par la maladie de Madame Torontal allait être prolongé par sa mort. Pendant le deuil de la famille, il ne pouvait être question de mariage. Les convenances exigeaient que plusieurs mois, au moins, se fussent écoulés depuis le décès. Cela sans doute dut vivement contrarier Sarkany, pressé d'arriver à ses fins. Quoi qu'il en eût, force lui fut de respecter les usages, mais non sans que de vives explications eussent été échangées entre Silas Torontal et lui. Et ces discussions se terminaient toujours par cette phrase que répétait le banquier. « Je n'y puis rien, et d'ailleurs, pourvu que le mariage soit fait avant 5 mois, vous n'avez aucune raison d'être inquiet. » Évidemment, ces deux personnages se comprenaient. Toutefois, en se rendant à cette raison, Sarkany ne cessait de manifester une irritation qui amenait parfois des scènes d'une extrême violence. Tous deux au surplus, n'avait pas cessé d'être inquiet depuis la démarche incompréhensible faite par Madame Torontal la veille de sa mort. Et même la pensée vint à Sarkany que la mourante avait pu vouloir mettre à la poste une lettre dont elle tenait à cacher la destination. Le banquier, auquel Sarkany communiqua cette idée, ne fut pas éloigné de croire qu'il en était ainsi. « Si cela est, répétait Sarkany, cette lettre nous menace directement et gravement. Votre femme a toujours soutenu Sava contre moi. Elle soutenait même mon rival. Et qui sait si au moment de mourir, elle n'a pas retrouvé une énergie dont on ne la croyait pas capable pour trahir nos secrets. Dans ce cas, ne devrions-nous pas prendre les devants et quitter une ville où vous et moi nous avons plus à perdre qu'à gagner ?»« Si cette lettre nous menaçait, lui fit observer Silas Torontal, quelques jours plus tard la menace aurait déjà produit son effet, et jusqu'ici rien n'est changé à notre situation. » À cet argument, Sarkany ne savait que répondre. En effet, si la lettre de Madame Torontal se rapportait à leur futur projet, il n'en était rien résulté encore, et il ne semblait pas qu'il y eût péril en la demeure. Quand le danger apparaîtrait, il serait temps d'agir. C'est ce qui arriva, mais autrement que tous deux ne devaient le supposer, 15 jours après la mort de Madame Torontal. Depuis le décès de sa mère, Sava s'était toujours tenue à l'écart, sans même quitter sa chambre. On ne la voyait même plus aux heures des repas. Le banquier, gêné vis-à-vis d'elle, ne cherchait point un tête-à-tête qui n'eût pu que l'embarrasser. Il la laissait donc agir à son gré et vivait de son côté dans une autre partie de l'hôtel. Plus d'une fois, Sarkany avait durement blâmé Silas Torontal d'accepter cette situation. Par suite des habitudes prises, il n'avait plus aucune occasion de rencontrer la jeune fille. Cela ne pouvait convenir à ses desseins ultérieurs. Aussi s'en expliquait-il très nettement avec le banquier. Bien qu'il ne pût être question d'une célébration de mariage pendant les premiers mois de deuil, il ne voulait pas que Saba s'accoutumât à l'idée que son père et lui eussent renoncé à cette union. Enfin, Sarkany se montra si impérieux, si exigeant vis-à-vis de Silas Torontal, que celui-ci, le 16 août, fit prévenir Saba qu'il voulait lui parler le soir même. Comme il la prévenait que Sarkany désirait être présent à cet entretien, il s'attendait à un refus. Mais il n'en fut rien. Saba fit répondre qu'elle se tenait à ses ordres. Le soir venu, Silas Torontal et Sarkany attendaient impatiemment Sava dans le grand salon de l'hôtel. Le premier était décidé à ne point se laisser mener, ayant pour lui les droits que donne la puissance paternelle. Le second, résolu à se contenir, à écouter plutôt qu'à parler, voulait surtout tâcher de découvrir quelles étaient les pensées secrètes de la jeune fille. Il craignait toujours qu'elle ne fût plus instruite de certaines choses qu'on ne le supposait. Sava entra dans le salon à l'heure dite. Sarkany se leva quand elle parut. Mais au salut qu'il lui fit, la jeune fille ne répondit même pas par une simple inclinaison de tête. Elle ne semblait pas l'avoir vu, ou plutôt elle ne voulait pas le voir. Sur un signe de Silas Torontal, Sava s'assit. Puis, froidement, la figure plus pâle encore, sous ses vêtements de deuil, elle attendit qu'une demande lui eût été adressée. Sava, dit le banquier. J'ai respecté la douleur que t'a causée la mort de ta mère en ne troublant pas ta solitude. Mais à la suite de ces tristes événements, on se trouve nécessairement amené à traiter certaines affaires d'intérêt. Bien que tu n'aies pas encore atteint ta majorité, il est bon que tu saches quelle part te revient dans l'héritage de... S'il ne s'agit que d'une question de fortune, répondit Sava, il est inutile de discuter plus longtemps. Je ne prétends à rien dans l'héritage dont vous voulez parler. Sarkany fit un mouvement qui pouvait indiquer de sa part un assez vif désappointement, mais aussi peut-être une surprise mêlée de quelque inquiétude. « Je pense, Sava, reprit Silas Torontal, que tu n'as pas bien compris la portée de tes paroles. Que tu le veuilles ou non, tu es l'héritière de Madame Torontal, ta mère, et la loi m'obligera à te rendre des comptes lorsque tu seras majeur. À moins que je ne renonce à cette succession, répondit tranquillement la jeune fille. « Et pourquoi ? Parce que je n'y ai sans doute aucun droit. » Le banquier se redressa sur son fauteuil. Jamais il ne se fût attendu à cette réponse. Quant à Sarkany, il ne dit rien. Pour lui, Sava jouait un jeu, et il s'attachait simplement à voir clair dans ce jeu. « Je ne sais, Sava, reprit Silas Torontal, impatienté par les froides réparties de la jeune fille, Je ne sais ce que signifient tes paroles, ni ce qui a pu te les dicter. D'ailleurs, je ne viens pas ici discuter droit et jurisprudence. Tu es sous ma tutelle. Tu n'as pas qualité pour refuser ou accepter. Donc tu voudras bien te soumettre à l'autorité de ton père, que tu ne contestes pas, j'imagine. Peut-être, répondit Saba. Vraiment ? S'écria Silas de Rontal, qui commençait à perdre quelque peu de son sang-froid. Vraiment ? Mais tu parles 3 ans trop tôt, Saba. Quand tu auras atteint ta majorité, tu feras ce qu'il te conviendra de ta fortune. Mais jusque-là, c'est à moi que tes intérêts sont confiés, et je les défendrai comme je l'entends. Soit, répondit Saba, j'attendrai. Et qu'attendras-tu ? Répliqua le banquier. Tu oublies sans doute que ta situation va changer dès que les convenances le permettront. Tu as donc d'autant moins le droit de faire bon marché de ta fortune que tu n'es plus seul intéressé dans l'affaire. Oui, une affaire, répondit Saba d'un ton de mépris. Croyez bien, mademoiselle, crut devoir dire Sarkany, que ce mot prononcé avec le plus blessant dédain visait directement, veuillez croire qu'un sentiment plus honorable. Saba n'eut même pas l'air de l'entendre et ne cessa de regarder le banquier qui lui disait d'une voix irritée. Non pas seul, puisque la mort de ta mère n'a rien pu changer à nos projets. Quel projet ? Demanda la jeune fille. Mais ce projet d'union que tu feins d'oublier et qui doit faire mon gendre de M. Sarkany ? Êtes-vous bien sûr que ce mariage fera de M. Sarkany votre gendre ? L'insinuation était si directe cette fois que Silas Torontal se leva pour sortir tant il avait besoin de cacher son trou. Mais Sarkany le retint d'un geste. Lui voulait aller jusqu'au bout. Il voulait absolument savoir à quoi s'en tenir. Écoutez-moi, mon père, car c'est pour la dernière fois que je vous donne ce nom, dit alors la jeune fille. Ce n'est pas pour moi que M. Sarkany prétend m'épouser. C'est pour cette fortune dont je ne veux plus aujourd'hui. Quelle que soit son impudence, il n'oserait me démentir. Cependant, puisqu'il me rappelle que j'avais consenti à ce mariage, ma réponse sera facile. Oui, j'ai dû me sacrifier quand j'ai pu croire que l'honneur de mon père était en jeu dans cette question. Mais mon père, vous le savez bien, ne peut être mêlé à cet odieux compromis. Si donc vous désirez enrichir M. Sarkany, donnez-lui votre fortune. C'est tout ce qu'il demande. La jeune fille s'était levée et à son tour, elle se dirigeait vers la porte. « Ça va !» s'écria alors Silas Torontal, qui alla se placer devant elle. « Il y a dans tes paroles une telle incohérence que je ne les comprends pas, et que sans doute tu ne les comprends pas toi-même. Je me demande si la mort de ta mère... »« Ma mère ?»« Oui, c'était ma mère par le cœur, » murmura la jeune fille. « Si la douleur n'a pas ébranlé ta raison, » continua Silas Torontal, qui n'entendait plus que lui-même. « Oui, si tu n'es pas folle. »« Folle ?» Mais ce que j'ai résolu s'accomplira, et avant 6 mois tu seras la femme de Sarkany. Jamais. Je saurai bien t'y contraindre. Et de quel droit ? Répondit la jeune fille, avec un mouvement d'indignation qui lui échappa enfin. Du droit que me donne l'autorité paternelle. Vous, monsieur ? Vous n'êtes pas mon père, et je ne me nomme pas Saba Torontal. Sur ces derniers mots, le banquier, ne trouvant rien à répondre, recula, et sans même retourner la tête, la jeune fille sortit du salon pour regagner sa chambre. Sarkany, qui avait attentivement observé Saba pendant cet entretien, ne fut point surpris de la manière dont il venait de finir. Il l'avait bien deviné. Ce qu'il devait redouter s'était produit. Saba savait qu'aucun lien ne la rattachait à la famille Torontal. Quant au banquier, il fut d'autant plus anéanti par ce coup imprévu qu'il n'avait plus été assez maître de lui-même pour le voir venir. Sarkany prit alors la parole, et avec sa netteté habituelle, il résuma la situation. Silas Torontal se contentait d'écouter. Il ne pouvait qu'approuver d'ailleurs, tant les dires de son ancien complice étaient dictés par une indiscutable logique. « Il ne faut plus compter que Saba consente jamais, volontairement du moins, à ce mariage, » dit-il. « Mais pour les motifs que nous connaissons, plus que jamais aussi, il faut que ce mariage se fasse. » Que sait-elle de notre passé ? Rien, car elle l'eût dit. Ce qu'elle sait, c'est qu'elle n'est pas votre fille, voilà tout. Connaît-elle son père ? Pas davantage. C'eût été le premier nom qu'elle nous aurait jeté à la face. Est-elle instruite depuis longtemps de sa situation véritable vis-à-vis de vous ? Non, encore. Il est probable que c'est seulement au moment de mourir que Madame Toronto l'aura parlé. Mais ce qui me paraît non moins certain, c'est qu'elle n'a dû dire à Saba que ce qu'il fallait pour que celle-ci eût le droit de refuser d'obéir à l'homme qui n'est pas son père. Silas Torontal approuva d'un mouvement de tête l'argumentation de Sarkany. Or, on le sait, Sarkany ne se trompait ni sur la manière dont la jeune fille avait été instruite de ces choses, ni sur l'époque depuis laquelle elle les savait, ni enfin sur ce qui lui avait été seulement révélé du secret de sa naissance. « Concluons maintenant, reprit Sarkany. Si peu que Saba sache de ce qui la concerne, et bien qu'elle ignore ce qui nous regarde dans le passé, nous sommes menacés tous les deux, vous dans l'honorable situation qui vous est faite à Raguse, moi dans les intérêts considérables que doit m'assurer ce mariage et auxquels je prétends ne pas renoncer. Donc ce qu'il faut faire, et le plus tôt possible, le voici. Quittez Raguse, vous et moi, et emmenez Saba, sans qu'elle ait pu parler ni voir personne, plutôt aujourd'hui que demain. Puis ne revenir en cette ville qu'une fois le mariage accompli. Et, lorsque devenue ma femme, Saba aura intérêt à se taire. Une fois l'étranger, elle sera si bien soustraite à toute influence que nous n'aurons rien à redouter d'elle. Quant à la faire consentir à ce mariage, volontairement et dans les délais qui doivent m'assurer ses avantages, cela me regarde, et Dieu me damne si je n'y réussis pas. » Silas Toronto l'en convainc. La situation était bien telle que venait de la chiffrer Sarkany. Il ne songea pas à résister. Dominé de plus en plus par son complice, il ne l'eût pu d'ailleurs. Et pourquoi l'aurait-il fait? Pour cette jeune fille à laquelle il avait toujours inspiré une invincible répulsion, pour laquelle son cœur ne s'était jamais ouvert? Ce soir-là, il fut bien convenu que ce projet serait mis à exécution avant même que Saba eût pu quitter l'hôtel. Puis Silas Toronto et Sarkany se séparèrent, et s'ils mirent une hâte extrême à l'exécution de leur projet, ils n'eurent pas tort, on va le voir. En effet, le surlendemain, Madame Bathory, accompagnée de Boric, après avoir quitté le village de Vintecello, revint pour la première fois depuis la mort de son fils à la maison de la rue Marinella. Elle avait résolu de la quitter définitivement, ainsi que cette ville, trop pleine pour elle de déchirants souvenirs. Et elle venait faire ses préparatifs de départ. Lorsque Boric eut ouvert la porte, il trouva une lettre qui avait été déposée dans la boîte de la maison. C'était la lettre que Madame Toronto avait mise à la poste la veille même de sa mort et dans des circonstances que l'on n'a point oubliées. Madame Bathory prit cette lettre, l'ouvrit, en regarda d'abord la signature, puis lut d'un trait ces quelques lignes écrites par une main mourante et qui renfermaient le secret de la naissance de Saba. Quelle subite association du nom de Saba et du nom de Pierre se fit dans l'esprit de Madame Bathory. « Elle ? Lui ? » s'écria-t-elle. Et sans ajouter un mot, elle ne l'aurait pu, sans répondre à son vieux serviteur qu'elle repoussa au moment où il voulait la retenir, elle se précipita au dehors, elle descendit la rue Marinella, elle traversa le Stradone, elle ne s'arrêta que devant la porte de l'hôtel Toronto. Comprenait-elle la portée de ce qu'elle allait faire? Comprenait-elle que mieux valut agir avec moins de précipitation et par conséquent plus de prudence dans l'intérêt même de Saba? Non, elle était irrésistiblement poussée vers la jeune fille, comme si son mari, Étienne Bathory, comme si son fils, Pierre, sorti de leur tombe, lui eussent crié « Sauve-la! Sauve-la !» Madame Bathory frappa à la porte de l'hôtel. La porte s'ouvrit. Un domestique se présenta et lui demanda ce qu'elle voulait. Madame Bathory voulait voir Saba. Mais Mademoiselle Toronto n'était plus à l'hôtel. Madame Bathory voulait parler au banquier Toronto. Mais le banquier était parti la veille, sans dire où il allait, et il avait emmené la jeune fille avec lui. Madame Bathory, frappée de ce dernier coup, chancela et tomba dans les bras de Boric qui venait de la rejoindre. Puis, lorsque le vieux serviteur l'eut ramené dans la maison de la rue Marinella, « Demain, Boric, lui dit-elle, demain nous irons ensemble au mariage de Saba et de Pierre. » Madame Bathory avait perdu la raison. Chapitre 4. sur les parages de Malte. Pendant que s'accomplissaient ces derniers événements qui le touchaient de si près, Pierre Patoury voyait son état s'améliorer de jour en jour. Bientôt, il n'y eut plus à s'inquiéter de sa blessure, dont la guérison était presque complète. Mais combien Pierre devait souffrir en pensant à sa mère, en pensant à Sava qu'il croyait perdue pour lui. Sa mère, on ne pouvait cependant la laisser sous le coup de cette fausse mort de son fils. Aussi avait-il été convenu qu'on l'en instruirait avec prudence, afin qu'elle pût le rejoindre à Antequera. Un des agents du docteur, à Ragusa, avait ordre de ne pas la perdre de vue, en attendant l'entier établissement de Pierre, ce qui ne pouvait plus tarder. Quant à Sava, Pierre était condamné à ne jamais parler d'elle au docteur Antequera. Mais bien qu'il dût penser qu'elle était maintenant la femme de Sarcani, comment aurait-il pu l'oublier ? Est-ce qu'il avait cessé de l'aimer, quoiqu'elle fût pour lui la fille de Silas Torontal ? Non. Après tout, Sava était-elle donc responsable du crime de son père ? Et cependant, c'était ce crime qui avait conduit Étienne Bathory à la mort. De là un combat qui se livrait en lui, dont Pierre seul eût pu dire quelles étaient les phases terribles et incessantes. Le docteur sentait cela. Aussi, pour donner un autre cours aux pensées du jeune homme, ne cessait-il de lui rappeler l'acte de justice auquel ils devaient concourir ensemble. Il fallait que les traîtres fussent punis, et ils le seraient. Comment arriverait-on jusqu'à eux ? Rien n'était décidé encore, mais on y arriverait. « 1000 chemins et un but », répétait le docteur. Et s'il le fallait, il suivrait ces 1000 chemins pour l'atteindre. Pendant les derniers jours de sa convalescence, Pierre put se promener dans l'île et la visiter, soit à pied, soit en voiture. En vérité, qui ne se fût émerveillé de ce qu'était devenue cette petite colonie sous l'administration du docteur Antequera ? Et d'abord, on travaillait sans relâche aux fortifications qui devaient mettre à l'abri de toute attaque la ville bâtie au pied du cône, le port et l'île elle-même. Lorsque ces travaux seraient achevés, des batteries, armées de pièces à grande portée, pourraient, en croisant leur feu, rendre impossible l'approche de tout navire ennemi. L'électricité devait jouer un important rôle dans ce système défensif, soit pour l'inflammation des torpilles dont le chenal était armé, soit même pour le service des pièces de batterie. Le docteur avait su obtenir les plus merveilleux résultats de cet agent auquel appartient l'avenir. Une station centrale, pourvue de moteurs à vapeur et de leur chaudière, possédait 20 machines dynamo d'un nouveau système très perfectionné. Là se produisaient des courants que des accumulateurs spéciaux d'une intensité extraordinaire mettaient à la disposition de tous les services d'Antequera. La distribution des eaux, l'éclairage de la ville, le télégraphe et le téléphone, les déplacements par voie ferrée autour et à l'intérieur de l'île. En un mot, le docteur, servi par les sérieuses études de sa jeunesse, avait réalisé un des desiderata de la science moderne, le travail électrique pour le transport de la force à distance. Puis, grâce à cet agent d'un emploi si pratique, il avait pu construire les canaux dont il a été parlé et ses électriques à vitesse excessive qui lui permettaient de se rendre, avec la rapidité des express, d'une extrémité de la Méditerranée à l'autre. Cependant, comme la houille était indispensable aux machines à vapeur qui servaient à la production de l'électricité, il y avait toujours un stock considérable de charbon dans les magasins d'Antequera. Et ce stock était incessamment renouvelé au moyen d'un navire qui allait s'approvisionner directement en Angleterre. Le port, au fond duquel la petite ville s'élevait en amphithéâtre, était de formation naturelle, mais de grands travaux l'avaient amélioré. Deux jetées, un môle, un brise-lames le rendaient très sûr, quelle que fût la direction du vent. Partout de l'eau, même à l'aplomb des quais. Donc, par tous les temps, sécurité absolue pour la flottille d'Antequera. Cette flottille comprenait la goélette Savarena, le charbonnier à vapeur destiné aux approvisionnements des houilles prises à Swansea et à Cardiff, un steam yacht de 7 à 800 tonneaux de jauge, nommé le Ferrato, et trois électriques, dont deux aménagés en torpilleurs, qui pouvaient contribuer très utilement à la défense de l'île. Ainsi, sous l'impulsion du docteur, Antequerta voyait ses moyens de résistance s'accroître de jour en jour. Ils le savaient bien, ces pirates de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque. Cependant, leur plus grand désir eût été de s'en emparer, car la possession de cette île aurait servi les projets du grand maître actuel de la confrérie du sénoucisme, Sidi Mohamed El Mahedi. Mais connaissant les difficultés d'une pareille entreprise, il attendait l'occasion d'agir avec cette patience qui est l'une des maîtresses facultés de l'arabe. Le docteur ne l'ignorait pas, et il poussait activement ses travaux de défense. Pour les réduire, quand ils seraient achevés, il faudrait employer ces modernes engins de destruction dont les sénousistes ne disposaient pas encore. D'ailleurs, de 18 à 40 ans, les habitants de l'île étaient déjà formés en compagnie de miliciens pourvus d'armes de précision à tir rapide exercées aux manœuvres de l'artillerie, commandées par des chefs choisis entre les meilleurs, et cette milice était une force de 5 à 600 hommes sur laquelle on pouvait compter. Si quelques colons occupaient des fermes établies dans la campagne, le plus grand nombre habitait la petite ville qui avait reçu le nom transylvain d'Artenac, en souvenir de ce domaine que le comte Sandorf possédait sur le revers des Carpates. Artenac se montrait sous un très pittoresque aspect. Il y avait là quelques centaines de maisons tout au plus. Au lieu d'être bâti sur un échiquier à l'américaine, avec rues et avenues relevées au cordeau ou tracées aux tirelignes, elles étaient disposées sans ordre, dominant les tumescences du sol, avec leurs bases dans de frais jardins, leurs fêtes sous de beaux ombrages, les unes de forme européenne, les autres de forme arabe, un peu pêle-mêle, le long des courants d'eau vive envoyés par les machines élévatoires, tout cela frais, aimable, attrayant, tentateur. Une cité au sens modeste de ce mot, dans laquelle les habitants, membres d'une même famille, pouvaient se mêler à la vie commune en conservant le calme et l'indépendance du chez-soi. Heureux, oui, ils l'étaient, ces indigènes d'Antequerta. Ubi bene, ibi patria, est sans doute une devise peu patriotique, mais on voudra bien la passer à de braves gens accourus à l'appel du docteur qui, misérables en leur pays d'origine, trouvaient le bonheur et l'aisance dans cette île hospitalière. Quant à la maison du docteur Antequerta, les colons l'appelaient le Stadthaus, c'est-à-dire la maison de ville. Là demeurait non le maître, mais le premier d'entre eux. C'était une de ces adorables habitations mauresques, avec mirador et moucharabis, patio intérieur, galerie, portique, fontaine, salons et chambres décorés par d'habiles ornemanistes venus des provinces arabes. Pour sa construction, on avait employé les plus précieux matériaux, des marbres et des onyx, qui sortaient de cette riche montagne du Filfila, exploitée sur le golfe de Numidie, à quelques kilomètres de Philippeville, par un ingénieur aussi savant qu'artiste. Ces carbonates s'étaient merveilleusement prêtés à toutes les fantaisies de l'architecte, et sous le puissant climat d'Afrique, ils revêtaient déjà cette nuance dorée que le soleil, comme avec un pinceau, promène au bout de ses rayons sur les pays de l'Orient. Artenac, un peu en arrière, était dominé par l'élégant clocher d'une petite église, pour laquelle la même carrière avait fourni ces marbres blancs et noirs qui s'approprient à tous les besoins de la statuaire et de l'architecture. Ces bleus turquins, ces jaunes arborisés, curieux similaires des anciens produits de Carrare et de Paros. En dehors de la ville, Passim, sur les croupes voisines, s'étageaient d'autres habitations d'allure plus indépendante, quelques villas, un petit hôpital en une zone plus élevée de l'air, où le docteur, l'unique médecin de la colonie, comptait envoyer ses malades quand il en aurait. Puis, le long des pentes qui descendaient à la mer, d'autres jolies maisons formaient une station balnéaire. Entre autres, une des plus confortables, mais trapue comme un petit blocos, près de la porte du môle, aurait pu s'appeler Villa Pesca de Matifou. C'était là, en effet, qu'avaient été installés les deux inséparables, avec un saïs affecté à leur service particulier. Non, jamais ils n'eussent osé rêver d'une fortune pareille. On est bien ici, répétait sans cesse Cap Matifou. Trop bien, répondait Point de Pescade, et c'est au-dessus de notre condition. Vois-tu, Cap Matifou, il faudrait nous instruire, aller au collège, remporter des prix de grammaire, obtenir nos brevets de capacité. Mais tu es instruit, Point de Pescade, répliquait l'Hercule. Tu sais lire, écrire et compter. En effet, auprès de son camarade, Point de Pescade eut passé pour un homme de science. En réalité, le pauvre garçon ne savait que trop tout ce qui lui manquait. Où et quand l'eût-il appris, lui qui n'avait jamais fait ses classes, comme il le disait, qu'au lycée des Carpes de Fontainebleau? Aussi, assidu à la bibliothèque d'Arthénac, il cherchait à s'instruire. Il lisait, il piochait, tandis que Cap Matifou, avec l'autorisation du docteur, remuait les sables et les roches du littoral pour y former un petit port de poche. Du reste, Pierre Bathory encourageait fort Point de Pescade, dont il avait reconnu l'intelligence peu ordinaire à laquelle il ne manquait que la culture. Il s'était fait son professeur. Il le dirigeait de façon à lui donner une instruction primaire très complète, et l'élève faisait de rapides progrès. Il y avait aussi d'autres raisons pour que Pierre se fût attaché plus intimement Point de Pescade. Celui-ci n'était-il pas au courant de son passé? N'avait-il pas eu pour mission de surveiller l'hôtel Torontal? N'était-il pas, dans le Stradone, sur le passage de son convoi lorsque Sava avait été emporté sans connaissance? Plus d'une fois, Point de Pescade avait dû faire le récit de ces douloureux événements, auxquels il avait pris une part indirecte. C'était donc à lui seul que Pierre pouvait en parler, et qu'il en parlait lorsqu'il ne pouvait plus contenir le trop-plein de son cœur. De là un lien plus étroit, bien fait pour les unir l'un à l'autre. Cependant, le moment approchait où le docteur allait mettre son double plan à exécution. Récompenser d'abord, punir ensuite. Ce qu'il n'avait pu faire pour Andrea Ferrato, mort quelques mois après sa condamnation au bagne de Stein, il aurait voulu le faire pour ses enfants. Malheureusement, quelques soins que ses agents y eussent mis, il ignorait encore ce qu'étaient devenus Luigi et sa sœur. Après la mort de leur père, tous deux avaient quitté Rovigno et l'Estrie, s'exilant pour la seconde fois. Où étaient-ils allés? Personne n'avait pu le savoir, et personne ne put le dire. C'était là un sujet de profonde affliction pour le docteur. Mais il ne renonçait pas à retrouver les enfants de l'homme qui s'était sacrifié pour lui, et par son ordre, les recherches se poursuivaient sans relâche. Quant à Madame Bathory, Pierre n'avait qu'un désir, c'était de la faire venir à Antequerta. Mais le docteur, voulant bénéficier de la prétendue mort de Pierre comme il bénéficiait de la sienne, lui fit comprendre la nécessité d'agir avec une extrême prudence. D'ailleurs, il voulait attendre d'une part que son convalescent eût recouvré assez de force pour le suivre dans la campagne qu'il allait entreprendre, et de l'autre, sachant que le mariage de Sava et de Sarcani avait été reculé par la mort de Madame Torontal, il était résolu à ne rien faire avant qu'il n'eût été célébré. Un de ses agents de Raguse le tenait au courant de tout ce qui s'y passait et surveillait la maison de Madame Bathory avec autant de soin que l'hôtel du Stradone. Telle était alors la situation. Le docteur attendait impatiemment que toute cause de retard eût cessé. S'il ignorait encore ce qu'était devenu Carpena, dont on avait perdu la piste après son départ de Rovigno, Silas Torontal et Sarcani, résidant toujours à Raguse, ne pouvaient lui échapper. Les choses étant ainsi, que l'on juge de ce que le docteur dut éprouver quand, le 20 août, une dépêche de son agent arriva au Stadthaus par le fil de Malte à Antequerta. Cette dépêche mentionnait d'abord le départ de Silas Torontal, de Sava et de Sarcani, puis la disparition de Madame Bathory et de Boric, qui venaient de quitter Raguse, sans qu'il eût été possible de retrouver leurs traces. Le docteur n'avait plus à s'attarder. Il fit venir Pierre. Il ne lui cacha rien de ce qu'il venait d'apprendre. Quel coup ce fut pour lui! Sa mère disparut. Sava entraîné, on ne savait où, par Silas Torontal, et il n'en pouvait douter, toujours aux mains de Sarcani. « Nous partirons dès demain, » dit le docteur. « Dès aujourd'hui, » s'écria Pierre. « Mais où chercher ma mère? Où chercher ?» Il n'acheva pas sa pensée. Le docteur Antekirte l'avait interrompu et lui disait « J'ignore s'il ne faut voir qu'une simple coïncidence entre ces deux faits. Silas Torontal et Sarkany sont-ils pour quelque chose dans la disparition de Madame Bathory? Nous le saurons, mais c'est à ces deux misérables qu'il faut aller d'abord. Où les retrouver? En Sicile, peut-être. On s'en souvient, dans cette conversation entre Sarkany et Ziron, surpris par le comte Sandorf au donjon de Picino, Ziron avait parlé de la Sicile comme du théâtre habituel de ses hauts faits, théâtre sur lequel il proposait à son compagnon de revenir un jour, si les circonstances l'exigeaient. Le docteur avait retenu ce détail, en même temps que ce nom de Ziron. Ce n'était là qu'un faible indice, sans doute, mais à défaut d'autres, il pouvait permettre de relever la piste de Sarkany et de Silas Torontal. Le départ fut donc immédiatement décidé. Pointe-Pescade et Cap-Matifou, prévenus qu'ils accompagneraient le docteur, devaient se tenir prêts à le suivre. Pointe-Pescade apprit alors ce qu'étaient Silas Torontal, Sarkany et Carpena. « Trois coquins, dit-il, je m'en doutais. » Puis, à Cap-Matifou, « Tu vas entrer en scène, dit-il. » « Bientôt ? Oui, mais attends ta réplique. » Ce fut le soir même que s'effectua le départ. Le ferrato, toujours prêt à prendre la mer, ses vivres faits, ses soutes pleines, ses compas réglés, appareilla à 8 heures. On compte environ 950 000 depuis le fond de la Grande Sirte jusqu'à la pointe méridionale de la Sicile, à l'ouvert du cap Portio di Palo. Au rapide steam yacht, dont la vitesse moyenne dépassait 18 000 à l'heure, il ne fallait qu'un jour et demi pour franchir cette distance. Le ferrato, ce croiseur de la marine antéchertienne, était un merveilleux bâtiment. Construit en France dans les chantiers de la Loire, il pouvait développer près de 1500 chevaux de force effective. Ses chaudières, établies d'après le système Belleville, système dans lequel les tubes contiennent l'eau et non la flamme, avait l'avantage de consommer peu de charbon, de produire une vaporisation rapide, d'élever facilement la tension de la vapeur jusqu'à 14 et 15 kg sans aucun danger d'explosion. Cette vapeur, reprise à nouveau par des réchauffeurs, devenait ainsi un agent mécanique d'une puissance prodigieuse et permettait au steam yacht, bien qu'il fût moins long que les grands avisos des escadres européennes, de les égaler en vitesse. Il va sans dire que le ferrato était aménagé avec un confort qui assurait toutes leurs aises à ses passagers. Il portait en outre 4 canons d'acier, se chargeant par la culasse et disposés en barbette, 2 canons revolvers Hotchkiss et 2 mitrailleuses Gatling. De plus, à l'avant, une longue pièce de chasse qui pouvait lancer à 6 km un projectile conique de 13 cm. Pour l'état-major, un capitaine, dalmate d'origine, nommé Köstrick, un second et 2 lieutenants. Pour la machine, un premier mécanicien, un second mécanicien, 4 chauffeurs et 2 soutiers. Pour équipage, 30 marins, dont 1 maître et 2 quartiers-maîtres. Pour le service des chambres et de la cuisine, 2 chefs et 3 saïs faisant office de domestique. En tout, 4 officiers et 43 hommes, tel était le personnel du bord. Pendant ces premières heures, la sortie du golfe de la Cidre s'accomplit dans d'assez bonnes conditions. Bien que le vent fût contraire, une brise de nord-ouest assez fraîche, le capitaine put imprimer au ferrato une remarquable vitesse. Mais il lui fut impossible d'utiliser sa voilure, foque, trinquette, voile carrée du mât de misaine, voile aurique du grand mât et de l'artimon. Durant la nuit, le docteur et Pierre, dans les 2 chambres contiguës qu'ils occupaient à bord, Pointe-Pescade et Cap-Matifou, dans leur cabine de l'avant, purent reposer sans s'inquiéter des mouvements du steam yacht qui roulait passablement comme tous les bons marcheurs. Pour être véridique, il faut dire que si le sommeil ne manqua point aux 2 amis, le docteur et Pierre, en proie aux plus vives inquiétudes, prirent à peine quelques repos. Le lendemain, lorsque les passagers montèrent sur le pont, plus de 120 000 avaient été enlevés en ces 12 heures depuis le départ d'Antequerta. La brise venait de la même direction, avec une tendance à fraîchir. Le soleil s'était levé sur un horizon orageux et l'atmosphère, déjà lourde, laissait présager une lutte prochaine des éléments. Pointe Pescade et Cap Matifou souhaitèrent le bonjour au docteur et à Pierre Bathory. « Merci, mes amis, répondit le docteur. Avez-vous bien dormi dans vos couchettes ?»« Comme des loirs qui auraient la conscience tranquille, » répliqua gaiement Pointe Pescade. « Et Cap Matifou, a-t-il fait son premier déjeuner ?»« Oui, monsieur le docteur, une soupière de café noir avec 2 kilos de biscuits de mer. »« Un peu dur, ce biscuit. Bah, pour un homme qui jadis mangeait des cailloux entre ses repas. » Cap Matifou remuait doucement sa grosse tête, manière à lui d'approuver les réponses de son camarade. Cependant, le ferrato, par l'ordre exprès du docteur, marchait à toute vitesse, en faisant jaillir 2 écumantes colonnes d'eau sous le tranchant de son étrave. Se hâter, d'ailleurs, n'était que prudent. Déjà, le capitaine Koestrick, après en avoir causé avec le docteur, se demandait s'il n'y aurait pas lieu de venir en relâche à Malte, dont on pouvait voir les feux vers 8 heures du soir. En effet, l'état de l'atmosphère était de plus en plus menaçant. Malgré la brise d'ouest qui fraîchissait avec l'abaissement du soleil, les nuages montaient toujours du levant et s'étendaient alors sur les 3/4 du ciel. Au ras de la mer, c'était une bande d'un gris livide, d'une matité profonde, qui devenait d'un noir d'encre lorsqu'un rayon solaire se glissait à travers ses déchirures. Déjà quelques éclairs silencieux déchiraient cette large nuée électrique dont la lisière supérieure s'arrondissait en pesante volute au contour durement arrêté. En même temps, comme s'il y avait lutte entre les vents de l'ouest et ceux de l'est qu'on ne sentait pas encore mais dont la mer déséquilibrée éprouvait le contre-coup, les lames grossissaient contre la houle de fond, s'échevelaient et commençaient à déferler sur le pont du yacht. Puis, vers 6 heures, tout devint obscur sous cette voûte d'épaisses nues qui couvrait l'espace. Le tonnerre grondait, et de vifs éclairs illuminaient ces lourdes ténèbres. « Liberté de manœuvre, » dit le docteur au capitaine. « Oui, il le faut, monsieur le docteur, » répondit le capitaine Koestrick. « Sur la Méditerranée, c'est tout l'un ou tout l'autre. L'Est et l'Ouest luttent à qui l'emportera, et l'orage aidant, je crains que l'avantage ne reste au premier. La mer va devenir très très dure, au-delà de Gozo ou de Malte, et il est possible que nous soyons gênés. Je ne vous propose pas d'aller relâcher à la Valette, mais de chercher un abri jusqu'au jour sous la côte occidentale de l'une ou de l'autre île. « Faites ce qu'il faut, » répondit le docteur. Le steam yacht se trouvait alors dans l'ouest de Malte, à une distance de 30 000 environ. Sur l'île de Gozo, située un peu au nord-ouest de celle de Malte, dont elle n'est séparée que par 2 canaux étroits formés par un îlot central, il y a un feu de premier ordre avec une portée de 27 milles. Avant 1 heure, malgré les violences de la mer, le ferrato devait être dans le rayon de ce feu. Après l'avoir relevé avec soin, sans trop rallier la terre, on pourrait suffisamment s'en rapprocher pour trouver un abri pendant quelques heures. C'est ce que fit le capitaine Koestrick, non sans avoir pris la précaution de modérer sa vitesse afin d'éviter tout accident, soit à la coque, soit à la machine du ferrato. Cependant, 1 heure après, le feu de Gozo n'avait pas encore été aperçu. Impossible d'avoir connaissance de cette terre, bien que ses falaises se découpent à une assez grande hauteur. L'orage était alors dans toute sa violence. Une pluie chaude tombait par grains. La masse des vapeurs de l'horizon, maintenant bâillonnée par le vent, passait à travers l'espace avec une extrême vitesse. Entre leurs déchirures, brillaient subitement quelques étoiles qui s'éteignaient aussitôt, et la queue de ces haillons, traînant jusqu'à la mer, la balayait comme d'immenses houppes. De triples éclairs, frappant les lames en 3 endroits, enveloppaient parfois le steam yacht tout entier, et les éclats de la foudre ne cessaient plus d'ébranler l'air. Jusqu'alors, la situation avait été difficile. Elle allait rapidement devenir inquiétante. Le capitaine Koestrick, sachant qu'il devait se trouver de 20 000 au moins dans la portée du feu de Gozo, n'osait plus s'approcher de l'île. Il pouvait même craindre que ce ne fût la hauteur des terres qui l'empêchât de l'apercevoir. Dans ce cas, il en aurait été extrêmement près. Or, à donner sur les roches isolées qui bordent le pied de ces falaises, on se fût immédiatement perdu. Vers 9h30, le capitaine prit donc la résolution de mettre en panne sous petite vapeur. S'il ne stoppa pas complètement, du moins réduisit-il la machine à quelques tours d'hélice seulement, ce qu'il fallait pour que le navire ne restât pas insensible au gouvernail et présentât toujours sa joue à la lame. Dans ces conditions, il devait être et fut horriblement secoué, mais au moins ne risquait-il plus de se jeter à la côte. Cela dura 3 heures, jusqu'à minuit environ. À ce moment, la situation s'aggrava encore. Ainsi que cela arrive fréquemment par ces temps d'orage, la lutte entre les vents opposés de l'est et de l'ouest cessa soudain. La brise revint au point du compas qu'elle avait tenu pendant le jour avec la violence d'un coup de vent. Son impétuosité, refoulée pendant plusieurs heures par les courants contraires, reprit le dessus au milieu des éclaircies du ciel. « Un feu par tribord devant !» cria un des hommes de quart, de garde au pied du Beaupré. « La barre dessous, toute !» répondit le capitaine Kestrick, qui voulait s'éloigner de la côte. Lui aussi avait vu le feu signalé. Ses éclats intermittents indiquaient bien que c'était celui de Gozo. Il n'était que temps de revenir en direction opposée, car les vents contraires se déchaînaient avec une incomparable furie. Le ferrato n'était pas à 2 milles de la pointe, au-dessus de laquelle le phare venait subitement d'apparaître. L'ordre de pousser la pression fut envoyé au mécanicien, mais soudain la machine se ralentit puis cessa de fonctionner. Le docteur, Pierre Bathory, l'équipage, tous étaient sur le pont, pressentant quelques complications graves. En effet, un accident venait d'arriver. Le clapet de la pompe à air n'agissait plus. Le condenseur fonctionnait mal. Et après quelques tours bruyants, comme si des détonations se fussent produites à l'arrière, l'hélice s'arrêta tout à fait. Un pareil accident était irréparable, du moins dans ces conditions. Il aurait fallu démonter la pompe, ce qui eût demandé plusieurs heures. Or, en moins de 20 minutes, drossé par ses rafales, le steam yacht pouvait être à la côte. « Hisse la trinquette ! Hisse le grand phoque ! Hisse la brigantine !» Tels furent les ordres donnés par le capitaine Kestrick, qui ne pouvait plus disposer que de sa voilure pour se relever. Ordres auxquels l'équipage s'empressa d'obéir en manœuvrant dans un admirable ensemble. Si Pointe Pescade, avec son agilité, si son compagnon, avec sa force prodigieuse, lui vinrent en aide, cela va sans dire. Les drisses eussent plutôt cassé que de ne pas céder aux pesées de Cap Matifou. Mais la situation du ferrato n'en était pas moins très compromise. Un bateau à vapeur, avec ses formes allongées, son manque de largeur, son peu de tirant d'eau, sa voilure généralement insuffisante, n'est pas fait pour naviguer contre le vent ou biaiser avec lui. S'il lui faut courir au plus près, pour peu que la mer soit dure, il risque de manquer ses virages et de se mettre au plein. C'est ce qui menaçait le ferrato. Outre qu'il éprouvait de réelles difficultés à faire de la toile, il lui était impossible de revenir dans l'ouest contre le vent. Peu à peu, poussé vers le pied des falaises, il semblait n'avoir plus qu'à choisir l'endroit où il ferait côte dans les moins mauvaises conditions. Malheureusement, par cette nuit profonde, le capitaine Kestrick ne pouvait rien reconnaître de la disposition du littoral. Il savait bien que 2 canaux séparent l'île Gozo de l'île de Malte, de chaque côté d'un îlot central, l'un le North Comino, l'autre le South Comino. Mais de trouver leur ouverture au milieu de ces ténèbres, de s'y lancer à travers cette mer furieuse pour aller chercher l'abri de la côte orientale de l'île et peut-être atteindre le port de la Valette, était-ce possible? Un pilote, un pratique, eût seul pu tenter une si périlleuse manœuvre. Et dans cette sombre atmosphère, par cette nuit de pluie et de brumaille, quel pêcheur se fût hasardé à venir jusqu'au navire en perdition? Cependant, le sifflet d'alarme du steam yacht jetait au milieu des brouhahas du vent d'assourdissants appels, et 3 coups de canon furent successivement tirés. Soudain, du côté de la terre, un point noir apparut dans les brumes. Une embarcation s'avançait vers le ferrato, sa voile au baris. C'était sans doute quelques pêcheurs que la tempête avait obligés à se réfugier au fond de la petite anse de Meléa. Là, son canot à l'abri des rochers, réfugié dans cette admirable grotte de Calypso qui pourrait être comparée à la grotte de Fingal des Hébrides, il avait entendu les sifflets et le canon de détresse. Aussitôt, au risque de sa vie, cet homme n'avait pas hésité à se porter au secours du stymiote à demi désemparé. Si le ferrato pouvait être sauvé, il ne pouvait l'être que par lui. Peu à peu, l'embarcation s'approchait. Une amarre fut préparée à bord pour lui être lancée au moment où elle accosterait. Il y eut là quelques minutes qui parurent être interminables. On n'était plus qu'à une demi-encablure des récifs. À ce moment, l'amarre fut lancée, mais une énorme lame, soulevant l'embarcation, la précipita contre les flancs du ferrato. Elle fut mise en pièces, et le pêcheur qui la montait aurait certainement péri si Cap Matifou ne l'eût retenu, enlevé à bout de bras, déposé sur le pont, comme il aurait fait d'un enfant. Alors, sans prononcer une parole, en aurait-il eu le temps, ce pêcheur sauta sur la passerelle, saisit la roue du gouvernail, et au moment où son avant tournait vers les roches, le ferrato allait s'y briser, il prenait du tour, il donnait dans l'étroite passe du canal de North Comino, il la traversait, vent arrière, et en moins de 20 minutes, il se retrouvait sur la côte est de Malte, dans une mer plus calme. Alors, ses écoutes bordées, il longea la terre à moins de 2 000 milles. Puis, vers 4 heures du matin, lorsque les premières lueurs du jour commencèrent à blanchir à l'horizon du large, il suivait le chenal de la Valette et mouillait au quai de la Singléa, à l'entrée du port militaire. Le docteur Antekirt monta alors sur la passerelle et s'adressant au jeune marin, « Vous nous avez sauvés, mon ami, » dit-il. « Je n'ai fait que mon devoir. »« Êtes-vous pilote ?»« Non, je ne suis qu'un pêcheur. »« Et vous vous nommez ?»« Luigi Ferrato. »